Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et c'est François Grégoire qui vous parle. Alors, je suis en compagnie de Mathieu Riopel, enseignant en physique au Cégep Garneau, et il va nous faire découvrir que le premier programmeur dans l'histoire de l'informatique n'était pas un, mais bien une programmeuse, et elle vivait en Angleterre au 19e siècle. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour. Alors Mathieu, l'informatique aujourd'hui, elle est présente partout. Oui, il y a des ordinateurs dans tous les domaines de nos vies aujourd'hui en 2019. On a peine à imaginer une époque où ça n'existait pas, les ordinateurs. Mais pourtant, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des ordinateurs. Je suis sûr que tu te souviens probablement de ton premier ordinateur. Moi, je me souviens du mien, c'était un Pentium 90 qu'on avait acheté à la maison et qui avait 500 mégas de disque dur. Uh-huh. Ça a changé depuis, ça a évolué à une très grande vitesse. Tout à fait. Et puis, et donc, les premiers ordinateurs, on pourrait penser que ça date de, je sais pas, les années 80. Hein, c'est ça. Voire peut-être qu'il y a eu des précurseurs auparavant. Peut-être les années 30, 40. En fait, les ordinateurs... Le premier ordinateur imaginé, mais peut-être pas construit, date effectivement des années 30-40, mais pas les années 1930-40, les années 1830-1840. Mm-hmm. Et c'est un peu le thème de la chronique d'aujourd'hui que je vais vous faire raconter l'histoire formidable qui est derrière cet ordinateur imaginaire, parce qu'il faut mentionner qu'elle n'a jamais été construite, la machine dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on fait une chronique sur une machine compliquée qui a été imaginée et jamais construite, et donc qu'on n'a jamais testée en réalité. Une bonne façon de passer un peu de temps à la radio, mais en même temps, ça permet de voir l'origine, comme le disait Valérie, et le commencement de mm-hmm. l'ère informatique. Uh-huh. Et la première publication scientifique à propos de l'informatique, ça remonte à quand, ça? Ben, ça date de ces années-là, autour des... je crois que c'est en 1842. Là, okay. On va y arriver. En fait, c'est une publication qui a été faite par Ada Lovelace, okay. qui va être notre personnage central dans la chronique d'aujourd'hui. Donc, commençons par elle et par son enfance. Oui, effectivement. Parce que dès sa naissance, elle a une histoire qui est particulière. En fait, elle est la fille d'un poète, de Lord Byron, qui était une vedette en Angleterre, si on veut, à l'époque, lorsque Ada Lovelace est née en 1815. Lord Byron, pour vous situer un peu le personnage. Est-ce que c'était un Lord ou Lord, c'est son prénom? Non, il y avait un prénom okay. que j'oublie. OK, donc c'était son titre. Là. Oui, c'était son titre. Ça, c'est une bonne question ouais. qu'il faudrait aller fouiller sur Wikipédia. Ça risquerait de changer son rang social. C'est pour ça que je posais la question. Ouais. Oui, ben en fait, mais c'est un poète ouais. avec une vie un peu scandaleuse. Là, par exemple, quand il était à l'université, c'était interdit d'avoir un chien. Lui, pour contourner la règle, son animal de compagnie qui s'est trouvé... pas un chien, c'était un ours. Apparemment qu'il y avait un ours de compagnie. Et il y a eu plusieurs histoires sexuelles débridées avec toutes sortes de personnes, dont sa demi-sœur. Il est d'ailleurs mort aussi en allant combattre pour la révolution en Grèce. Là. Donc, c'est un genre de mélange entre Che Guevara, Elvis et... imaginez les personnages d'aujourd'hui. Il était très connu, très... il semait la controverse. Et c'était donc le père de cette femme-là qui est née en 1815, qui s'appelait Ada Lovelace. Et puis, le mariage, on s'imagine, qui a donné cet enfant, n'a pas été heureux. En fait, après quelques semaines, les deux parents se sont séparés. Lord Byron a été chassé de la maison et Ada Lovelace a été éduquée. En fait, sa mère a voulu tout faire dans sa vie pour ne pas qu'elle devienne une poète comme son père. Et donc, ce que la mère de Ada Lovelace a imaginé, c'est-à-dire, on va lui apprendre les mathématiques. Mm-hmm. On le sait bien, les mathématiciens ne sont jamais devenus fous, là, mais... On n'en a pas d'exemple, mais... Donc, Ada Lovelace va apprendre les mathématiques, va être forcée d'apprendre les mathématiques pour apprendre la rationalité, si mm-hmm. on veut, et tout ça. C'est ce que pensait sa mère. va avoir... Puis à l'époque, apprendre les mathématiques, c'était pas commun pour une jeune fille. J'imagine que non. Hein? On supposait que se concentrer sur les mathématiques pouvait créer toutes sortes de problèmes physiques pour une femme, que le corps d'une femme serait pas capable d'endurer toute cette réflexion-là. C'était les croyances de l'époque, évidemment. Uh-huh. On sait que c'est complètement faux, là, mais c'est pour ça qu'à cette époque-là, une femme qui était à ce point encouragée à apprendre les mathématiques, c'était quand même assez peu commun. Il y en a quelques exemples, mais c'est arrivé à Ada Lovelace. Et donc... elle va grandir dans ce monde-là, à apprendre les mathématiques, tout ça, puis va se retrouver à intégrer la société anglaise lorsqu'elle devient une jeune femme. Entre autres, elle va se rendre à une soirée. À cette époque-là, il y a un certain Charles Babbage, mm-hmm, qui faisait des grandes soirées chez lui où il y avait plein d'invités, des gens beaux, des gens intelligents, des gens avec un haut rang social. Et puis, tous ces gens-là étaient mélangés, des scientifiques. Charles Babbage était lui-même un mathématicien. Okay. Et donc, il recevait des gens chez lui, puis il leur montrait toutes les nouveautés scientifiques. C'est d'ailleurs là que lui exposait les premières photographies qui étaient prises à l'époque. C'était les débuts de la photographie. Il y avait aussi une machine qui a attiré l'attention de Ada Lovelace, qui était une machine qui permettait de faire des calculs automatiquement. On tournait une manivelle, engrenages se mettaient à bouger. Ça devait faire du bruit aussi, j'imagine. Ça faisait toutes sortes de petits bruits. Des cliquetis. Et puis, ça calculait des choses automatiquement. Et pour un esprit mathématique comme celui d'Ada Lovelace, ben c'était comme une concrétisation de son esprit mathématique qu'elle voyait à travers tout ça. Donc, les gens à la soirée disaient « Ah, c'est intéressant, mais Ada Lovelace perçait l'objet qui avait été fabriqué par Charles Babbage. Mm-hmm. » D'ailleurs, c'est notre autre personnage important dans effectivement. Cette histoire. Charles Babbage était un peu plus vieux que Ada Lovelace. Et lui, c'était un mathématicien. Il venait d'une famille riche. Il était confortable, avait beaucoup d'argent pour aller étudier. Il a étudié à Cambridge. Il est devenu un grand mathématicien. Là. Il a occupé le même poste à Cambridge que Newton avait occupé, Stephen Hawking a occupé dernièrement aussi, un poste qui existe. Et donc, c'était un mathématicien de renommée, de haut calibre. C'était un personnage avec un tempérament assez... survolté, si on veut. Il était toujours en opposition à toutes sortes de choses, là, ce Charles Babbage. Il a créé une société analytique qui, en fait, était là pour contester la façon dont on enseignait les mathématiques à l'époque en Angleterre. Il a aussi écrit un livre qui s'appelait Reflections on the Decline of Science in England. Donc, le déclin de la science en Angleterre. Il a contesté beaucoup la façon dont la science se faisait à l'époque. Il a créé une association scientifique pour s'opposer à la Royal Society qui pour contester la façon dont encore les sciences se faisaient. Donc, il est tout le temps en train de chercher un peu le trouble, ce Charles Babbage. Et est-ce qu'il y avait des têtes de pipe? Est-ce qu'il y avait des scientifiques qu'il n'aimait pas particulièrement? C'était surtout l'establishment scientifique à qui il y en avait, mais puis c'est chicané avec à peu près tout le monde qui faisait des sciences probablement à l'époque, pour une raison ou pour une autre, parce que ça faisait partie de son tempérament. Mais il s'est bien entendu avec une personne, avec Ada Lovelace, avec qui il a travaillé pendant quand même longtemps. Puis, un peu avant de rencontrer Ada Lovelace, il y a justement... imaginer une machine qui a appelé la machine différentielle. C'était le differential engine en anglais. On va l'appeler la machine différentielle. Et qu'est-ce que ça fait, cette machine? Ben, c'était justement une machine qui permettait de faire des calculs, essentiellement. À l'époque, si on voulait calculer quelque chose, on n'avait pas d'ordinateur pour pouvoir... effectuer la mécanique du calcul, si on veut. Donc, on demandait à des gens qu'on appelait les computers, les ordinateurs, vraiment. C'était souvent des femmes qui passaient leur journée à répéter des opérations simples, puis au bout de la ligne, ça donnait des tables de calcul que des gens pouvaient utiliser. On en avait besoin pour naviguer en mer, on en avait besoin pour toutes sortes de choses. Ces tables-là, ben, ça constait des tables de multiplication, des tables de fractions, des conversions d'unités. Donc, il existait des livres avec remplis de chiffres, puis les gens se servaient de ça au lieu de tout recalculer tout le temps. Mais c'était rempli d'erreurs, ces tables-là. Mais la machine différentielle, elle, quel genre de calcul elle faisait? C'était des additions, des calculs simples, quoi? Elle calculait essentiellement des solutions à des équations polynomiales. Donc, pour rentrer dans le détail des mathématiques. Donc, c'était des solutions à quelques équations. Puis, au bout de la ligne, il sortait, ça l'imprimait directement sur une feuille de papier, le résultat du calcul. Donc, ça permettait de faire des calculs rapidement. Par contre, la machine n'a jamais été fabriquée du vivant de Charles Babbage. Il l'a imaginé. Il a commencé la construction, puis il s'est chicané avec l'ingénieur qui devait le fabriquer. Il a été chercher de l'argent, 17 000 livres, qui est l'équivalent de quelques millions aujourd'hui, pour faire fabriquer ça. S'est intéressé à cette machine-là, l'a développé. Puis, hein, comme un geek, si on veut, il a trouvé une meilleure idée en chemin. Puis, il s'est désintéressé à sa machine, puis il l'a pas terminée. Parce qu'il y avait une meilleure idée. Il a abandonné le projet. Il y a eu une fabrication de plein d'engrenages, plein de choses qui ont été fabriquées. Il y a un prototype qui a été fabriqué complètement, qui est celui que Ada avait vu à la soirée chez Charles Babbage. Mais la machine dont il avait rêvé, il ne l'a pas menée à terme. Il a abandonné le projet. OK, mais est-ce qu'elle a été commencée un peu, quoi? Est-ce qu'il y a un vestige? Autrement dit, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce qu'il y a des vestiges de ça présentement? Il ne reste aucun vestige. Ils ont fondu les pièces qui avaient été fabriquées avec beaucoup de travail. Et donc, mais je crois que j'ai lu que quelques mois, on a estimé que s'il avait passé quelques mois de plus à travailler sur cette première machine-là, il l'aurait terminée. Mais il y a eu une meilleure idée. Une autre machine. On a parlé de la machine différentielle qui permettait de faire des calculs. On tourne une manivelle, il sort une feuille imprimée avec une table de calcul. Ça, c'était essentiellement le principe de la machine différentielle. La meilleure idée qu'il y a eu, c'est ce qu'il a appelé la machine analytique. Celle-ci était beaucoup plus perfectionnée, en fait, était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus détaillée. C'était une machine qui permettait non seulement de faire des calculs, mais d'utiliser le résultat de ces calculs-là pour pouvoir faire d'autres opérations ensuite. C'était une machine qui permettait de faire des additions, soustractions, multiplications, divisions, mais aussi de faire de la logique. Donc, souvent dans le codage aujourd'hui, on utilise des s'il se passe quelque chose, alors on va faire telle opération. Donc, on pouvait utiliser des programmes. Il y avait des l'équivalent de logique booléenne dans le système, donc des portes logiques et ou non, etc. Toutes ces choses-là, mais c'était une machine mécanique à l'époque. Babbage n'a pas utilisé l'électricité parce que c'était une technologie qui était en train de se développer. On était au tout début du fonctionnement des machines électriques. Donc, il n'y avait rien d'électrique dans cette machine-là qu'il a imaginé. Toute la logique, toute la le fonctionnement était basé sur des engrenages, des systèmes mécaniques et une machine à vapeur qui servait de moteur pour faire fonctionner sa machine analytique. Et donc, c'est quand même impressionnant, quand même. C'est impressionnant d'avoir imaginé à cette époque-là quelque chose qui pouvait être aussi versatile dans ses opérations puis qui était capable de fonctionner. De fonctionner parce que, bon, encore là, cette machine-là, on va le voir, il ne l'a jamais fabriquée de son vivant. Alors, on ne sait pas si ça marcherait, mais ça l'a été analysé et apparemment, ça l'aurait fonctionné, là, son plan. Est-ce que les plans existent encore? On a retrouvé des plans qui permettent... parce que Babbage n'a jamais publié sur cette machine-là. Il y a eu des publications qui ont été faites là-dessus. Mais lui n'a pas publié ces choses-là, mais on a retrouvé des plans de comment ça aurait fonctionné. Puis d'ailleurs, cette machine-là, un peu comme un ordinateur moderne, était faite avec il y avait un processeur et de la mémoire. Donc, il y avait quelque chose pour traiter de l'information, recevoir un programme qui était fait avec des cartons troués. Donc, au départ, les ordinateurs, les vrais ordinateurs électriques, dans le sens moderne du terme, les programmes fonctionnaient avec des cartons troués. L'ordinateur de Babbage était il était imaginé avec ce genre de d'objet-là. Donc, il a, d'une certaine façon, introduit cette technologie-là pour les ordinateurs. Et moi, je me souviens d'avoir connu ça, les cartes trouées dans les premiers ordinateurs, dans, à peu près en 1977. Là, on faisait des programmes, puis on perforait des cartes sur des claviers, et ça fonctionnait comme ça. Les premières machines à avoir utilisé ça, c'était des métiers à tisser à l'époque de l'Angleterre dans la Révolution industrielle. C'est les métiers à tisser qui ont inspiré Babbage à utiliser ça pour l'ordinateur. Mais les métiers à tisser servaient à créer des motifs qui étaient programmés par des cartons troués. Tout à fait, oui. Et donc, la machine de Babbage aurait été immense. Elle aurait fait... le processeur aurait eu à peu près 6 pieds de diamètre, puis 15 pieds de hauteur. Ça, c'est le système de traitement de l'information, si on veut. Mais on avait besoin de mémoire à cet ordinateur-là. Ça aurait été des tours de 15 pieds de haut d'engrenage qui peuvent permettre d'enregistrer des nombres, qui auraient fait... environ 20 pieds de long, mais évidemment, ça dépend de la mémoire qu'on veut mettre à notre ordinateur. On pourrait rajouter de la mémoire en rajoutant des engrenages à cet ordinateur-là. Donc, c'est un peu le format de l'ordinateur que Babbage avait imaginé à l'époque. Et maintenant, si on parlait de l'apport d'Ada Lovelace. Oui, revenons à Ada Lovelace. Ouais. Parce que, drôle de nom quand même, Lovelace. Lovelace, c'était le nom de sa famille. En fait, elle venait d'une famille de l'aristocratie anglaise. Donc, elle a adopté ce nom-là. Mais elle avait aussi un autre nom, un autre prénom que Ada. Mais je l'oublie, je ne l'ai pas en tête. Mais son nom était un peu compliqué. D'ailleurs, elle a changé de nom selon le mariage qu'elle a eu. Et puis après ça, son mari a repris le nom de la famille. Puis... C'est parce que c'est Lovelace, l'asset d'amour en fait, en français. Ouais. Exactement, oui. Oui, alors, parlons de l'apport d'Ada Lovelace. Oui, ben en fait, c'est ça, ces deux esprits-là, Babbage et Lovelace, vont se rencontrer. Et puis, l'idée d'une machine analytique qui peut faire toutes sortes de choses avec des mathématiques, on imagine, Ada, à force de faire des mathématiques, était en quelque sorte devenue une machine humaine à faire des calculs. Et donc, de voir une machine mécanique qui peut faire des calculs, ça l'a enflammé son imagination. Elle a essayé de comprendre, elle a travaillé, elle a communiqué toute sa vie avec Charles Babbage pour comprendre comment pouvait fonctionner la machine. Puis, on est venu à voir des choses que Babbage lui-même ne voyait pas à propos de sa machine. Okay. Donc, l'élève qui dépassait le maître. D'une certaine façon, par rapport à cette machine-là, probablement que Babbage ne l'aurait jamais admis lui-même. Il était trop fier, mais elle a souvent fait des... Elle a souvent attaqué un peu Babbage, le taquiné, disons, en lui disant « Ta machine, je la comprends mieux que toi, là, je vais t'en apprendre là-dessus. » Ce qui n'était pas faux. Et puis, un jour, en 1842... alors que la machine avait été beaucoup imaginée par Babbage, Babbage lui va faire une conférence en Italie, et puis il y a un scientifique italien qui va traduire cette conférence-là à propos de la machine analytique, puis va publier un article qui est en fait une traduction de la conférence de Babbage en italien. Okay. Quelqu'un va dire, ce serait intéressant de le voir en anglais, cette conférence-là, de pouvoir le lire en anglais. Donc on va demander à Ada Lovelace de traduire l'article. Puis Charles Babbage va suggérer à Ada Lovelace d'ajouter quelques notes, d'ajouter ce qu'elle pourrait contribuer au fond pour expliquer le fonctionnement de la machine. Et donc, elle va écrire 7 notes de bas de page à l'article, 7 notes qui font 3 fois la taille de l'article original. Donc, elle a ajouté quelques petites choses. Et donc, dans ces notes-là, elle va... aller beaucoup plus loin que ce qui a été décrit au départ dans l'article. Elle va beaucoup mieux expliquer le fonctionnement de la machine que Babbage l'avait fait lui-même. Elle va inclure ce qu'on pourrait appeler la première publication d'un logiciel informatique, un logiciel qui aurait alimenté la machine analytique, qui aurait permis de calculer des nombres de Bernoulli avec la machine analytique. Ce sont des nombres qu'on peut calculer en mathématiques avec des algorithmes. Donc, elle explique le fonctionnement d'un programme, probablement un des premiers programmes informatiques jamais publiés. Donc, ça, en 1842. Et ça, c'est intéressant en soi, mais c'est la part de Ada Lovelace va plus loin que ça. Elle, ce qu'elle va imaginer, c'est que le monde, en fait, est autour de nous, on peut souvent modéliser à peu près n'importe quoi avec des mathématiques. On peut modéliser la musique avec des mathématiques. On peut modéliser le mouvement des planètes. On peut décrire toutes sortes de choses avec le mouvement des, avec les mathématiques. Et si tout peut être décrit avec des mathématiques, puis qu'on a une machine qui est capable de faire à peu près n'importe quoi avec des machines, avec des mathématiques, donc cette machine-là est capable de reproduire n'importe quoi. C'est ça qu'Ada Lovelace a vu. Avec une machine comme ça, on peut faire plus que additionner et soustraire des nombres. On peut, en fait, reproduire à peu près n'importe quel phénomène, n'importe quel objet autour de nous. C'est ce que les ordinateurs font aujourd'hui, en fait. On joue à un jeu vidéo, on voit des choses qui bougent, tout ça. En fait, c'est à la base, l'ordinateur additionne et soustrait des nombres. C'est ça. Même chose si on joue de la musique ou on écoute de la musique. C'est des mathématiques qui sont cachées derrière tout ça, qui sont des opérations qui se passent à très haute vitesse dans un ordinateur. Donc, elle, c'est ça qu'elle va voir. Elle va dire, une machine comme ça, ça peut additionner des nombres, faire des tables de nombres, mais ça peut surtout faire tout ce que notre imagination est capable de faire. C'est de cette façon-là avoir vu le futur de l'informatique. C'est là que Ada Lovelace prend tout son sens, si on veut, a découvert quelque chose d'assez formidable. Elle serait très ravie d'être parmi nous aujourd'hui et voir tout ce qui existe en informatique. Charles Babbage, quelques années avant de mourir, il a dit « Moi, si ma vie pouvait s'arrêter maintenant, mais qu'on me donnait quelques jours pour aller voir le futur avec un scientifique qui m'expliquerait toutes les inventions. » Donc, il a dit « J'échangerais les dernières années de ma vie contre 3 jours, 500 ans dans le futur avec un guide scientifique. » C'est une des choses qu'il a dit d'ailleurs. Et donc, par contre, la fin de l'histoire est un peu plus tragique. Ah oui, oui. En quoi? La machine analytique s'est jamais construite. Vous avez jamais entendu parler de cet ordinateur à vapeur parce qu'elle n'a jamais été construite et que tout ça s'est un peu perdu à travers les âges. Ils ont souhaité la construire, cette machine, pendant longtemps, mais Babbage, qui avait complètement manqué son coup avec sa première machine, a été d'une certaine façon barré au gouvernement pour aller chercher des fonds supplémentaires. Discrédité, il avait gaspillé une somme incroyable, donc on lui en a pas donné plus. Ada Lovelace a voulu prendre le contrôle de la fabrication, mais Charles Babbage lui a toujours refusé. Il voulait pas, il voulait rester le maître. À l'époque, c'était de donner le contrôle à une femme, c'était aller au-delà de ce que les conventions pouvaient faire, j'imagine. Et donc, ça s'est pas produit. Ada Lovelace n'a jamais pu faire fabriquer elle-même cette machine-là. Manqué d'argent, Ada Lovelace s'est concentrée, essayer d'amasser de l'argent en gageant à des courses de chevaux vers la fin de sa vie. Elle s'est ruinée là-dedans. Elle a pensé développer une méthode mathématique qui aurait permis de gagner à tout coup. OK, de prévoir l'issue finalement de la course. Ça n'a pas fonctionné. Elle a tout perdu. Ça fonctionne toujours pas même. Mais... non, exactement. Et donc, elle est décédée à 36 ans d'atroces souffrances, cancer de l'utérus, avec sa mère qui l'a isolée d'à peu près toutes les personnes qu'elle aimait. Et puis, à la fin de sa vie, elle a fait quelque chose d'assez révolutionnaire, si on veut, d'assez... elle a demandé d'être enterrée aux côtés de son père... le poète fou. Okay. Donc, au lieu d'aller à l'endroit où sa mère avait prévu, elle, dans son testament, elle a dit « Vous allez m'enterrer à côté de mon père », un peu en symbole d'opposition à toute cette rationalité-là et toute cette... toutes ces choses qu'il avait... toute cette rigidité familiale-là qu'elle avait vécue toute sa vie. Donc, c'est comme ça qu'elle est décédée. Et est-ce que... on pourrait dire qu'elle a laissé un certain héritage? Mais, en effet, dire que c'est la première programmeuse informatique, c'est beaucoup lui mettre sur les épaules, là, dans le sens qu'elle a publié quelque chose dans un article une fois. Mais en tant que telle, elle a quand même... son apport, comme je le disais, c'était d'avoir vu le futur de l'informatique avant tout le monde, d'avoir d'une certaine façon prévu ça, puis de l'avoir compris dans pas simplement des paroles en l'air, mais de l'avoir exprimé d'un point de vue mathématique. Donc c'est vraiment... elle était visionnaire aussi. Puis aujourd'hui, 100 ans plus tard, quand Alan Turing et toutes les pionniers de l'informatique, si on passe par là, ils ont compris l'importance de ce qu'elle avait fait par après. Son travail n'a pas été si influent que ça, parce que c'est beaucoup de choses qui ont été retrouvées après coup, mais c'est quelque chose d'impressionnant en soi. C'était une mathématicienne formidable également. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'attellent au projet de construire la machine analytique. Ah oui? Ils prévoient en 2030 peut-être avoir cette machine-là de fabriquer, construite, qu'on pourrait faire fonctionner. Je ne sais pas si ça va voir le jour. Peut-être que ça va faire comme tous les projets de Babbage et ne pas fonctionner aussi. Ça serait bien, ça voyait le jour. Tout à fait. Alors, merci beaucoup, Mathieu, d'être remonté en fait aux origines de la programmation pour faire revivre Ada Lovelace. Et en parlant d'origine, mais on va voir avec le biologiste Cyril Barrette que c'est parfois une invention trompeuse. Alors restez avec nous sur CKRL 89.1.